va me commander un Pepsi juste pour destiner. Si mon mari s'achète une Buick, moi je me jette une Toyota. L'hiver, j'aime bien les plantes tropicales, mais faut les entretenir, ces plantes-là, faut pas facile. J'aime bien mettre un peu d'eau dans les plantes et les voir grossir. Un peu de terre, un peu de vitamine. On les met au soleil, au soleil. Et respectable, mes amis sont jaloux de moi. Ils regardent mes plantes et disent j'aimerais ça en avoir des comme ça chez moi, des belles plantes. Les plantes sont grosses, c'est ça qu'ils veulent quand ils viennent.